sacré, chaque mot s'imprime, chaque cri juré. Rider skill charme, ses murmures serrés, la foule succombe à paix figée. Tes yeux brillent comme des flammes vertes, chaque vibre et nos consume à perte. Ton encens au cœur des arbres, chaque soupir m'enchaîne au mal. Chaque silence hurle, chaque souffle est délire. Près de ce qu'il règne, sa voix m'obsède. La foule tremble happée par ses chaînes. Ton ombre s'étend sous les branches. Chaque mot frappe, chaque cri s'élance. Je grave ton nom dans l'écorce. Chaque mot m'attache à sa force. Whisper deeper, forest fire. Rider skill pulls us higher. Comme terre humide, chaque mot perce, chaque voix décide. Rider skill charme, ses paroles m'enchaînent. La foule succombe, happée par sa peine. Tes lèvres murmurent comme incantation. Chaque vibration forge ma prison. Ton nom résonne dans les racines. Chaque soupir nourrit mes habits. Chaque note frappe, chaque souffle s'achève. Rider skill règne, son nom m'embrase. La foule cède consumée de flammes. Ton souffle pèse, ta voix m'envahit. Chaque murmure dévore ma nuit. Ton ombre danse, mes chaînes s'étendent. Chaque mot perce, chaque cri s'éprend. Rider skill charme, sa voix m'obsède. La foule succombe, happée, possédée. Ton nom s'élève comme un totem. Chaque vibraille consume mon emblème. Je me perds dans ton royaume vert. Chaque souffle m'attache à l'enfer. Whisper deeper, forest fire. Rider skill pulls us higher through the roots. Shadows call, obsession grows, consuming all. L'éternité, nos voix persistent. Chaque souffle gravé, chaque cri résiste. Rider skill charme, son nom demeure. La forêt tremble guidée par son ardeur. Chaque mot s'efface dans la clairière. Obsession règne, mémoire